Car orphelin de tout petit cœur, pour un seul bonheur, ils ne savent rien du monde des humains. Mais Rox et Rookie s'en vont dans la vie, avec dans les yeux un coin de ciel bleu. Et dans la forêt, ils vont gambader sous l'œil attendri de tous leurs amis. Chien d'un chasseur, qu'ils sont ennemis, parce que c'est la vie. Et Rox et Rookie sont toujours amis. Un gentil gros chien ne comprend pas bien qu'il doit pour chasser ne pas fréquenter son meilleur ami, parce que c'est ainsi. Comme par le passé, Rookie est en danger, Rox vient le sauver.